Chant premier, strophe 14 des chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Guan. Les chants de Maldoror par le comte de Lautréamont, chant premier, strophe 14. S'il est quelquefois logique de s'en rapporter à l'apparence des phénomènes, ce premier chant finit ici. Ne soyez pas sévère pour celui qui ne fait encore qu'essayer sa lyre. Elle rend un son si étrange. Cependant, si vous voulez être impartial, vous reconnaîtrez déjà une empreinte forte, au milieu des imperfections. Quant à moi, je vais me remettre au travail pour faire paraître un deuxième chant, dans un laps de temps qui ne soit pas trop retardé. La fin du XIXe siècle verra son poète. Cependant, au début, il ne doit pas commencer par un chef-d'œuvre, mais doit suivre la loi de la nature. Il est né sur les rives américaines, à l'embouchure de la Plata, là où deux peuples, jadis rivaux, s'efforcent actuellement de se surpasser par le progrès matériel et moral. Buenos Aires, la reine du Sud, et Montevideo, la coquette, se tendent une main amie à travers les eaux argentines du grand estuaire. Mais la guerre éternelle a placé son empire destructeur sur les campagnes et moissonne avec joie des victimes nombreuses. Adieu, vieillard, et pense à moi, si tu m'as lu. Toi, jeune homme, ne te désespère point, car tu as un ami dans le vampire, malgré ton opinion contraire. En comptant l'Acarus, sarcopote qui produit la gale, tu auras deux amis. Fin de la strophe 14 du premier chant. Fin du premier chant.